Eh ouais, c'est la famille Bayardo, mon pote. C'est là, mais les démonstres, qui est là, tu veux pas te fuser Bayardo. Ciao. Ma prego, va là.